LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous convertir en bio, bibliographie, lien, nous podcaster pour la traite ou nous réécouter dans le saloir, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture, documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, troisième étape, agriculteur d'aujourd'hui, le temps du labeur. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.